dans cette édition de La Connexion. Un résumé des nouveautés présentées au Macworld 2008. FPS Brain, le Viagra des joueurs. Une pétition pour sauver Windows XP. Et un robot se déplace grâce au cerveau d'un singe. Tout ça et plus tout de suite, c'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à La Connexion, c'est l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant 2 heures, on va parler des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Et attention, cette émission pourrait contenir un type d'humour que vous ne comprendrez pas. Dans quelques secondes, on parle de jeux vidéo, mais avant, en musique, voici Alexandre Champigny et la pièce « Avec ton sourire » au 89.1 FM dans vos oreilles. Thank you. Toujours garder le sourire, comme on dit. Alexandre Champigny avec ton sourire à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à CFOU 89 FM. Maintenant, c'est l'heure du fil jeux vidéo. Donc, on parle des nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique depuis les 7 derniers jours. Un laboratoire allemand vient de mettre au point une pilule permettant, selon le site officiel, de maximiser les compétences des joueurs. On appelle ça le Viagra des joueurs. Grâce à un mélange de toutes sortes d'ingrédients, FPS Brain donnerait des résultats assez significatifs, garantis sans tremblement ni flash de la vision. N'étant pas médecin, dit jeuxvideo.com, certainement, nous ne prononcerons pas de verdict sur l'efficacité du produit, mais si vous décidez de passer commande, sachez que le site s'engage à vous rembourser si vous ne constatez pas de progrès dans votre manière de jouer. Le dopage dans les jeux vidéo, on aura tout vu, dit l'article. Un spot publicitaire pour le jeu Stranglehold, déconseillé aux moins de 18 ans, a été interdit en Angleterre par l'Advertising Standards Authority. Le spot incriminé montrait une fusillade entre quatre hommes pendant qu'une voix commentait, et je cite, « L'honneur est son code, la vengeance est ses missions, la violence est sa seule option ». Suite à des plaintes, l'ASA a considéré que ce commentaire légitimait effectivement le recours à la violence comme solution honorable à un problème donné. Midway a eu beau expliquer qu'il s'agissait d'une fiction et qu'aucun des personnages virtuels n'était abattu à l'écran. La publicité a été purement et simplement interdite de diffusion au pays de sa très gracieuse majesté. Comme si Rock Band ne prenait pas suffisamment de place, on trouve chez GameStop une offre de précommande pour un kit de scène capable de cracher des fumigènes et de synchroniser un jeu de lumière avec les rythmes de la chanson en cours. On précommande jusqu'au mois de juin ce Rock Band Scene Kit. Coûte 100$. L'image qui est dans l'article a depuis été retirée du site de vente, mais Joystick l'a capturée si vous voulez la voir. Passez par le site de l'émission qui, cette semaine, est à un endroit tout à fait spécial. Oui, parce qu'une fois par année ou plus, ça arrive que le site de la connexion ne marche pas. Donc, allez voir le mplante.wordpress.com. mplante.wordpress.com. Je vais prendre soin d'insérer le lien sur le cfou.ca. Pour ceux qui ne veulent pas retenir l'adresse, je ferai ça un petit peu plus tard. Le Japon s'apprête à connaître le même traitement que l'Europe concernant les modèles de PS3 disponibles, PlayStation 3. Sony annonce la fin de la distribution des modèles 20 et 60 gigs sur l'archipel. Il devra se contenter du modèle 40 gigs et donc composer avec la perte de la rétrocompatibilité ou des 4 ports USB. C'est que la version 40 gigs n'offre pas de rétrocompatibilité avec les jeux de PlayStation 2 et de PlayStation 1 du nom. Une rumeur court depuis quelques temps au sujet de l'arrivée d'un remake du jeu GoldenEye, le cultissime first-person shooter de la Nintendo 64, qui pourrait arriver sur Xbox Live Arcade. Eh bien, c'est à OneUp.com qu'on doit quelques informations sur ce projet qui semble bien être réel, mais qui se heurte à un problème épineux. Ce portage et non un remake serait une recréation complète et fidèle du jeu original à laquelle viendrait se greffer un mode multijoueur. Malheureusement, alors que Rare, la compagnie qui produit le jeu, n'aurait plus que 2 mois de travail sur le projet, c'est un désaccord de licence entre Microsoft et Nintendo qui retarderait sa sortie. La question étant de savoir comment Nintendo sera rétribué pour l'usage de l'une de ses propriétés, parce que c'était quand même un jeu sur Nintendo 64. Et comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, dit l'article, une pétition a été lancée pour motiver les deux géants à trouver un terrain d'entente. Le lien est sur le site mplante.wordpress.com. Une autre rumeur colportée par le site américain Joystick.com évoque l'adaptation de Bioshock au cinéma. Les acteurs évolueraient sur fond vert pour un rendu visuel semblable au film 300 de Jack Snyder. On a beau ne pas savoir quel crédit apporter à cette rumeur, dit l'article, la simple idée de voir ce jeu à l'ambiance incomparable dans les griffes de Hollywood me hérisse déjà les poils. D'autant que certains aspects de Bioshock semblent bien peu compatibles avec la morale bien pensante des studios américains. Je pense en particulier au sort des petites sœurs, dit l'article. Et là, je vais aller voir sur Wikipédia pour parler de Bioshock. BioShock, qui est un first-person shooter par 2K Boston, 2K Australia, qui s'appelait Irrational Games avant. Ça a été designé, comme dit WordPress, Wikipédia, par Ken Levine. Voilà, le jeu est sur Windows et sur Xbox 360. C'est sorti le 21 août 2007 en Amérique du Nord et trois jours plus tard en Europe et en Australie. Le jeu a surtout eu des critiques positives. Voilà. Que le jeu Super Smash Bros. Brawl est retardé au 9 mars n'est pas une si mauvaise nouvelle, dit Jouer.com, mais qu'il a obtenu la note parfaite de 40 sur 40 dans la dernière édition du réputé magazine japonais Famitsu, risque de rendre des joueurs encore plus impatients. Ces derniers, par contre, devront patienter en se procurant d'autres titres prévus au cours de l'hiver. Et bien, Nintendo a confirmé que 65 nouveaux titres rejoindront la librairie de la Wii au cours de la première moitié de l'année et que celle-ci comprend désormais 195 titres. Quant à la DS, elle verra sa librairie de 500 titres enrichis de 80 nouveaux titres au cours de cette même période. Bien entendu, tous les yeux seront tournés vers Super Smash Bros. Brawl, attendu de pied ferme sur la Wii, mais aussi vers Mario Kart sur la Wii et l'énigmatique Wii Fit, qui s'est écoulé à 1 million d'exemplaires au Japon en l'espace d'un mois environ. Les éditeurs tiers lanceront également des jeux intrigants sur la Wii au cours de cette période, notamment Ninja Reflex, No More Heroes, The Blob, Star Wars The Force Unleashed ou encore Okami. Sur la DS, Advance Wars Days of Ruin sera certainement une valeur sûre pour Nintendo, tout comme Final Fantasy Crystal Chronicles Rings of Fate et Ninja Gaiden Dragon Sword, développés par des éditeurs tiers. Donc, si vous voulez voir la liste partielle des titres à venir d'ici l'été prochain sur la Wii et sur la DS, allez voir l'article qui s'appelle « Nintendo met à jour la liste des titres à venir sur la Wii et la DS ». C'est sur le mplante.wordpress.com. Après avoir annoncé un partenariat en mai dernier avec le studio Big Huge Games pour un jeu de rôle, voilà que la compagnie THQ a annoncé qu'elle procédera à son acquisition pour un montant inconnu. Le jeu de rôle développé par le studio et dont la conception est dirigée par Ken Rolston, qui a travaillé sur The Elder Scrolls IV Oblivion, sera lancé en 2009 sur 360 et PlayStation 3. Pour vous rappeler, Big Huge Games s'est fait connaître par le passé avec les jeux de la série Rise of Nations sur PC, puis avec le jeu Catan sur Xbox Live Arcade. L'article vient de Artgamers.com. Même chose pour le prochain, une autre nouvelle, on pourrait dire business. Valve a annoncé qu'elle a mis la main sur le développeur Turtle Rock Studios pour un montant demeuré inconnu. Les quartiers de Turtle Rock demeureront à Orange County, en Californie. Turtle Rock Studios conçoit en ce moment le jeu Left 4 Dead, qui profite d'un fort engouement de la part des médias et des joueurs. Le studio a par ailleurs collaboré avec Valve par le passé sur le jeu Counter-Strike Condition Zero, ainsi que dans la conception de niveaux pour Counter-Strike Source. Là qui fait le tour des nouvelles de jeux vidéo pour l'instant, regardons les jeux qui ont été le plus vendus la semaine dernière au Japon. En cinquième position, on retrouve sur la Wii Super Mario Galaxy. En quatrième, c'est Final Fantasy IV sur la DS. En troisième, c'est Wii Sports sur la Wii. Les chiffres romains. Hein. En deuxième, c'est Wii Fit sur la Wii. Et en première, c'est sur Nintendo DS, Mario Party DS. On regarde ça, là. Et il n'y a que des jeux de la compagnie Nintendo, en tout cas sur les consoles de la compagnie Nintendo, dans le palmarès japonais. Vous écoutez la connexion assez fou 89.1 FM! We Are Wolves avec Psychic Kids de leur album Total Magic. C'est sur les palmarès anglophones de C'est Fou cette semaine. Maintenant, c'est l'heure du fil informatique. On parle des nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs cette semaine. On commence par, on commence par l'iPhone, étrangement. Apple a vendu jusqu'à présent 4 millions d'exemplaires du iPhone, son téléphone cellulaire à écran tactile, selon Steve Jobs. Lors de son discours habituel pour inaugurer la nouvelle édition du congrès Macworld, dont on parlera en détail plus tard, où il a présenté les nouveaux produits de sa compagnie, Steve Jobs a déclaré qu'il était très satisfait de ses résultats, précisant que ça représente une moyenne de 20 000 exemplaires vendus par jour. C'est d'ailleurs lors de l'édition précédente du Macworld que Steve Jobs avait présenté pour la première fois l'iPhone au grand public. Les ventes du téléphone cellulaire ont commencé 6 mois plus tard, soit à la fin du mois de juin aux États-Unis. Depuis, l'iPhone est également disponible en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne. Apple négocierait actuellement avec les opérateurs mobiles en Chine et au Japon pour que l'iPhone soit éventuellement disponible dans les marchés asiatiques. Durant son discours de mars dernier, Steve Jobs s'est par ailleurs félicité de la nouvelle coopération d'Apple avec Google pour créer une application de localisation pour le iPhone qui permettra de situer approximativement le propriétaire du téléphone grâce à une série d'antennes relais Wi-Fi situées un peu partout. Cette nouvelle application de localisation fait partie de la nouvelle mise à jour du iPhone publiée la semaine dernière et est également disponible pour 20$ aux utilisateurs du baladeur iPod Touch. Voilà. Depuis le début de la semaine, cette semaine, si vous écoutez en direct. C'est finalement l'Université de Montréal qui sera la première institution universitaire québécoise à se joindre à la plateforme de diffusion web iTunes U ou iTunes University de Apple. Première au pays, mais également première université francophone dans le monde à se joindre aux universités Stanford, Duke, Queen's et au MIT de Boston pour partager le savoir en ligne. Dans le cadre de sa participation au réseau éducatif, l'Université de Montréal propose aux internautes des conférences, des cours, des concerts de la faculté de musique, des émissions de la radio étudiante CISM, magnifique, des vidéos d'information et même une visite virtuelle du campus, selon le carnet techno de Radio-Canada. On retrouvera également les meilleures conférences du Centre d'études et de recherche internationales. D'ailleurs, le directeur exécutif du Cirium indique que c'est un prolongement naturel de ce que fait son centre puisque les vidéos des conférences qu'ont prononcées de nombreuses personnalités marquantes lors de leur passage sont déjà en ligne. On accède au contenu de l'Université de Montréal sur la plateforme iTunes U en utilisant le logiciel iTunes de Apple, évidemment. On passe de Apple à Microsoft avec Windows. Le webzine américain InfoWorld lance cette semaine une pétition pour inciter Microsoft à ne pas arrêter de vendre son système d'exploitation Windows XP. Microsoft compte retirer définitivement Windows XP des tablettes le 30 juin prochain pour laisser toute la place à son nouveau système Windows Vista. Toutefois, l'équipe éditoriale d'InfoWorld demande à Microsoft de reconsidérer sa décision, citant le peu d'avantages qu'ont les administrateurs de réseaux informatiques de faire la transition de XP à Vista. Et je cite... Depuis plus d'un an, les gestionnaires de réseaux informatiques me disent qu'ils ne voient aucun avantage à changer de version de Windows. Ça, c'est selon le directeur de l'information du webzine. Ils ne veulent pas investir du temps et de l'argent pour faire la transition, notamment parce qu'ils considèrent que les principales améliorations de Vista sont simplement de nature esthétique. Nous demandons donc à toutes les personnes concernées de bien signer la pétition. Microsoft, par le passé, a déjà changé ses plans après de nombreuses plaintes formulées par ses clients. Il n'y a aucune raison de croire que la compagnie ne peut pas le faire à nouveau. Voilà. Pour ceux qui désirent signer cette pétition, elle est accessible sur le site de itworld.com, passé par le mplante.wordpress.com, qui est le site temporaire de l'émission jusqu'à temps que le site unechance.com puisse revenir. Pour ceux qui désirent signer cette pétition, donc allez là. Et InfoWorld explique sa décision de lancer l'initiative aussi dans l'article sur infoworld.com. Microsoft s'apprête vraisemblablement à proposer un pack plus pour son système d'exploitation Windows Vista. Il s'agirait ici pour le géant de Redmond de proposer 4 jeux vidéo pour son système d'exploitation, mais aussi, et là c'est plus surprenant, dit Cubic.com, des fonctions remédiant aux lacunes de Windows Vista édition familiale basique. C'est du moins ce que laisse entendre le descriptif des fonctions proposées par la boutique de Future Shop. Reste toutefois à vérifier si ce pack plus activera effectivement la technologie Aero, le beau petit look de Windows Vista qu'on pas quand on achète la version basique, ou encore le Windows Media Center sur les ordinateurs équipés uniquement de Windows Vista édition familiale basique. Du côté des jeux, ils sont signés Mumbo Jumbo, très bon jeu, et on va retrouver le titre Luxor là-dedans. Rendez-vous donc le 15 février pour savoir si ce Microsoft Plus Pack pour Windows Vista n'est qu'un simple pack de 4 jeux, ou s'il va au-delà et sera disponible, disponible bientôt. Donc, le Plus Pack, il y en avait pour les Windows précédents, pour Windows XP, pour Windows 98, qui rajoute un paquet de petits bonus là, que t'as pas avec Windows quand tu l'achètes d'habitude. Maintenant, on parle de YouTube. Le nombre de visiteurs des sites Internet de partage vidéo, dont le très populaire YouTube, aurait doublé en 2007 selon Pew Internet and American Life Project. Selon une enquête dont les résultats ont été publiés mercredi dernier, près de la moitié des internautes, 48% des internautes américains adultes, auraient visité un site Internet de partage vidéo en 2007, alors qu'ils étaient 33% à l'avoir fait en 2006. Peut-être que Vlog a aidé avec. Environ 15% des répondants... C'était du sarcasme. Quelque chose que les gens ne comprennent pas toujours. Environ 15% des répondants ont également affirmé qu'ils ont consulté un site Internet de partage la journée précédant l'appel du Pew Internet and American Life Project. Cette donnée, représente une augmentation de 8% par rapport aux statistiques de 2006. Les sites de partage vidéo seraient notamment populaires auprès des jeunes adultes de moins de 30 ans, puisque 30% d'entre eux consultent régulièrement YouTube et ses rivaux. L'Institut souligne finalement qu'un internaute masculin sur 5, donc 20%, visiterait quotidiennement ce type de site Internet. Le sondage a été réalisé auprès de 1359 Américains âgés de 18 ans et plus entre le 24 octobre et le 2 décembre 2007. Voilà. Il y a une copie du document qui est disponible en format PDF sur le site de pewinternet.org. Vous pouvez passer par le mplante.wordpress.com. L'écran incurvé présenté par Alienware sur le stand Dell de l'édition 2008 du CES, le Consumer Electronics Show, qui avait lieu il y a quelques semaines. C'était il y a deux semaines, je crois. Elle avait fait sensation auprès d'un public de joueurs et de technophiles en tout genre. Le fabricant américain n'était en réalité pas seul en lice, puisque NEC annonçait la sortie prochaine d'un modèle de moniteur équivalent, le CRVD42DWX, non très accrochant. Les spécifications techniques sont très proches de celles de l'écran annoncé par Alienware, ce qui laisse supposer que la même société était à l'origine de la technologie employée dans les deux cas. En l'occurrence, il s'agirait de la firme californienne Ostendo. Donc, NEC délivre quelques informations supplémentaires sur la dalle employée. Ce serait de type DLP, comme celle de Alienware, capable d'afficher une résolution de 2880 par 900 pixels, ce qui est absolument incroyablement large. Celle-ci offrirait un temps de réponse de l'ordre de 0,02 millisecondes et serait capable de restituer jusqu'à 68,7 millions de couleurs, donc l'écran de la mort. Aucun prix n'a été communiqué par NEC. Allez voir la photo. C'est vraiment très impressionnant. C'est un écran fait un peu comme un pare-brise de voiture. Là, la forme n'est pas un rectangle, mais bien un rectangle courbé. En courbe, dans le fond, c'est courbé en courbe. C'est pas mal le résumé de la chose. Vraiment, j'ai très, très hâte de voir ça, de voir des vidéos de ça et d'en avoir un. Moi-même, dans quelques décennies de ça. On passe à Rome maintenant, une annonce proposant à la vente des ordures provenant de Campanie, la région de Naples qui a été envahie par plus de 100 000 tonnes d'immondices lors de la récente crise des ordures, a été mise en ligne vendredi dernier sur le site internet de vente aux enchères eBay. Bonne affaire, et je cite « Bonne affaire, nous vendons des ordures de Campanie datant de plus de 30 jours de type et de volume divers », indiquait l'annonce accompagnée de photos montrant d'immenses tas d'ordures accumulées dans les rues de Torre Annunziata, une localité proche de Naples. Et je cite encore, « Achetez-en beaucoup, vous paierez les frais de port en une fois. Merci. » Poursuit le texte qui dénonce ceux qui ont tiré profit de la crise au nom de nos enfants qui respirent cet air et se rendent à l'école au milieu des ordures. Les déchets mis à prix à environ 1 $ en fait, c'est près d'un euro, sans précision de la quantité vendue, peuvent être achetés pendant encore 9 jours. Donc, ça dure encore au moment où l'émission est enregistrée en direct. On parle du 17 janvier. Plus de 110 000 tonnes de déchets s'étaient accumulées à Naples et dans sa région depuis la fin de l'année, mais depuis jeudi, la situation s'est améliorée. Outre le déblaiement par des militaires, des déchets ont été transportés dans d'autres régions italiennes au risque de provoquer de nouvelles tensions. Au pire, il y aurait des tensions tour à tour dans chacune des villes. On pourrait faire une tournée, comme Star Academy, tournée des poubelles. Voilà qui fait le tour des nouvelles informatiques. Regardons les mots qui ont été les plus recherchés sur la toile du Québec la semaine dernière. En cinquième position, ça baisse. C'est YouTube. En quatrième, ça monte avec les packs et le reste est stable. La troisième position, c'est Hotmail. En deuxième, c'est l'Auto-Québec. Et le numéro un, c'est Horoscope. Vous écoutez La Connexion à CFOU 89.fm. Laisse-t'aller, y'a pas mal plus de temps de get up. Laisse-t'aller, j'passe pas mal de temps en shop. Laisse-t'aller, ma vie est pris une drop. Laisse-t'aller, ça va mal la shop. Laisse-t'aller, y'a pas mal plus de temps de get up. Laisse-t'aller, j'passe pas mal de temps en shop. Laisse-t'aller, ma vie est pris une drop. Hey, le gros, t'arrêtes pas de gros de pièces à m'bosser. J't'en mange coucou, j'suis même pas capable de payer le loyer. Il me reste plus une maudite jusqu'à la fin du mois. Tu sais comme moi, c'est le chômage, j'vois pas chez loin que ça. J'arrive du bounce, j'dois t'aller vendre. Au moment, faut bien survivre en attendant que chaque rentre. Faut que j'bois de la bière, que j'chante un peu, que j'm'alimente. Que j'fume une coupe de pot de weed pour arriver en état. Pendant que la chance passe, ton existence un beige, pis me mette avant, j'ai guéri de faire le marre de check et cash. J'en marche cherché par tout le monde, partout, tout et part. Tous les jeunes que de mille ont de la théâtre d'art. Et finalement, j'ai pas de mots de seul qui m'a donc. De ce temps-là, ça va mal la shop. De ce temps-là, y'a pas mal plus de temps que d'up. De ce temps-là, j'passe pas mal de temps par job. De ce temps-là, ma vie a pris une drop. De ce temps-là, ça va mal la shop. De ce temps-là, y'a pas mal plus de temps que d'up. De ce temps-là, j'passe pas mal de temps par job. De ce temps-là, ma vie a pris une drop. En ce moment, je m'embête de la pente quand ça sonne à porte. Check par la fange, m'attends ce que les chalocs. Personne descend, que le propriétaire défonce. Des pirates, le menace de faire couper les traces. Moi, j'ai au rockmount. J'ai plus combien de chèques en plaque. Leur bondir sa banque, les huissiers peuvent saisir. Y'a rien à prendre, je veux juste qu'on m'aide un peu. Que je puisse me reprendre. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième demi-heure, on va parler du Macworld 2008 qui a commencé lundi le 14 et se termine vendredi le 18. Toutes les nouvelles des nouveaux appareils qu'Apple va sortir, c'est assez intéressant. Entre autres, le MacBook Air qui vaut vraiment la peine d'être vu, d'être connu. On va aussi parler de location sur iTunes, tout ça plus tard. Mais avant, voici une pièce de Sondre Lerche, Let My Love, Open the Door. À CIFU 89.1 FM, votre radio campus, à Trois-Rivières. Well, people keep repeating that you'll never fall in love. When everybody keeps retreating, but you can't seem to get enough. Let my love open the door. Let my love open the door. Let my love open the door to your heart. When everything feels all over, everybody seems unkind, I'll give you a four-leaf clover, take all the worry out of your mind. I have the only key to your heart, I can stop you from falling apart. Release yourself from misery, only one thing's gonna set you free, and it's my love. That's my love. Let my love open the door. Let my love open the door. Let my love open the door to your heart. loves you. Don't let him bring you down. Love can't cure your problems. You're so lucky that I'm around. Let my love open the door. Let my love open the door. Let my love open the door to your heart. To your heart. Oh, to your heart. To your heart. Sam Miller qui, avec Let My Love Open the Door de la trame sonore du film Dan in Real Life, ce sont les palmarès anglophones de C'est Fou. Deuxième pièce de Sam Miller qui sur notre palmarès cette année. C'est vraiment très, très bon. C'est l'heure du bloc à thème cette semaine. Évidemment, notre thème, on peut passer à côté, c'est Macworld 2008. Donc, résumé du premier jour, parce que bon, ça a commencé lundi le 14, ça se termine vendredi le 18. Jusqu'à maintenant, ben, il y a eu quelques nouvelles qui sont sorties comme ça sur les grands sites, sur les blogs internet. On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé depuis le début de la semaine. Plusieurs milliers de personnes ont envahi à 11h mardi matin le Moscone Center pour voir les nouveautés qui venaient d'être annoncées par Steve Jobs lors de son désormais célèbre keynote annuel aux fidèles de la FOM. Seulement 4 points ont été présentés ce matin-là et les voici en résumé. Time capsule, oui. Une borne Wi-Fi dotée d'un disque dur rigide. Un disque rigide ou un disque dur, c'est pareil. De 500 gigs ou de 1000 gigs permettant de faire des copies de sauvegarde via le logiciel Time Machine du système 10.5. Ça se fait automatiquement, donc vous pourriez faire un backup, une sauvegarde de plusieurs machines sur la même machine. L'iPhone et l'iPod Touch ont été bonifiés à la version 1.1.3, offrant quelques fonctions en plus. Et le iPod Touch offre contre un paiement de $20 les fonctionnalités de courriel, de Google Maps, de cotes boursières, de météo et de notes qui étaient déjà offertes sur le iPhone. Maintenant, ça va aussi être sur le iPod Touch, qui est la version sans téléphone du iPhone. C'est visuellement la même chose, mais sans téléphone. L'allocation de vidéos pour une période de 24 heures a aussi été annoncée avec, en complément, une mise à jour logicielle du Apple TV permettant d'acheter de la musique ou de louer des vidéos sans avoir besoin d'un ordinateur intermédiaire. Et finalement, le MacBook Air, qui est un MacBook léger et mince qui entre sans problème dans une enveloppe, imaginez. Un écran de 13 pouces, un plein clavier, peu de ports, là, USB, micro DVI et écouteurs, l'absence de lecteur DVD interne, triste, et une performance de base en feront un compagnon intéressant pour ceux qui ont déjà un ordinateur de bureau. Les professionnels vont préférer sans doute le MacBook Pro, mais c'est quand même un bon ordi pour je pourrais dire, les débutants ou les gens qui ont besoin juste d'un ordinateur d'appoint. Une fois la folie du premier jour passée, nous entendrons sûrement parler un peu plus des autres nouveautés à découvrir sur le plancher de la conférence. Ça, c'est l'article de branchez-vous.com qui dit ça. On va évidemment suivre les autres articles à travers les jours pour la prochaine émission de La Connexion qui sera jeudi. Ça va être le 24 en direct à 11h et en rediffusion le mardi suivant à 9h, comme toujours. Regardons un petit peu, j'ai posté un autre article de clubic.com sur le Macworld 2008 sur le site de l'émission omplante.wordpress.com, adresse temporaire mplante.wordpress.com et puis qui parle de ce qui s'est passé au Moscone Center de San Francisco. Résumé complet et photo de Time Capsule, du iPhone, du iPod Touch, de iTunes, de Apple TV et du MacBook Air. Si vous voulez voir des photos du MacBook Air, ça vaut vraiment la peine. Et il y a aussi une vidéo de clubic.com qui parle et qui montre le MacBook Air. Voilà. D'ailleurs, parlant du MacBook Air, les commentaires étaient nombreux et variés sur les différents sites web traitant des produits Apple, dit l'article sur canoe.com. Et puis, on peut parier, dit l'article, qu'il en sera ainsi toute la semaine à l'occasion d'une autre édition du Macworld à San Francisco. Dans son discours d'ouverture, le président d'Apple, Steve Jobs, en a profité pour annoncer l'arrivée du MacBook Air. Ses caractéristiques techniques sont impressionnantes, à l'exception d'un élément qui est dénoncé par plusieurs, sa pile. Elle n'est pas interchangeable par l'utilisateur. Il faut donc l'apporter dans un centre de service autorisé de la compagnie pour la faire remplacer au coût de $129 installation comprise. Mais là n'est pas la question puisqu'il s'agit d'un ordinateur portable qu'on peut traîner n'importe où. Il aurait été logique de pouvoir compter sur une pile supplémentaire et de pouvoir l'installer rapidement. Le site web ZDNet a réalisé un sondage non scientifique en demandant aux visiteurs si le problème de la pile était suffisamment grave pour faire en sorte que le MacBook Air soit moins attirant. 54% des gens ont répondu que oui. Cela dit, les piles ne sont pas interchangeables dans les iPod ou les iPhone non plus, deux appareils qui connaissent pourtant des ventes exceptionnelles à l'échelle mondiale. D'ailleurs, un internaute a eu ce commentaire sur un site, et je cite « Si tu choisis d'acheter un ordinateur très mince qui pèse moins de 1,5 kg, ça ne te donne rien de transporter dans ton sac une pile pesant plus d'un kilo. » N'est-ce pas? La vérité sort de la bouche des gens sur Internet. Alors, encore au sujet d'Apple et du Macworld 2008, les fluctuations boursières sont difficiles à prévoir et à expliquer, dit Canoë.com. Il arrive très souvent que le titre d'une entreprise s'envole sans que personne ne puisse l'expliquer. Parfois également, une pluie de bonnes nouvelles a l'effet contraire. Et c'est ce qui s'est produit avec le cours des actions d'Apple en bourse. Elles ont chuté de plus de 5%, passant de 178$ à un peu plus de 169$, une perte de près de 9,5$ en une seule journée. Et là, l'article date du 16. Est-ce que je vois bien la date? Oui, du 16. Donc, on parle du 15 dans ce cas-là. Ce qui s'est produit donc le 15 avec le cours des actions en bourse, selon l'analyste indépendant Jeff Kagan, ça s'explique par le fait que le président Steve Jobs n'a pas annoncé d'innovation capable de faire trembler la Terre, entre guillemets. Cela dit, il faut savoir que les actions se sont bien comportées au cours des dernières années et qu'elles méritent peut-être une petite pause. Elles ont doublé au cours de la dernière année et quadruplé au cours des trois dernières. Pourtant, Steve Jobs a encore une fois été à la hauteur hier, dit l'article. Lors de son discours d'ouverture, il a annoncé une série d'innovations. Tout le monde s'entend pour dire que 2007 a été l'année de Steve Jobs et d'Apple, ne serait-ce que pour l'avènement du iPhone, un gadget innovateur à tout point de vue qui marque un tournant en matière de téléphonie sans fil. Mais tout ça, c'est déjà du passé et les investisseurs boursiers, eux, veulent voir l'avenir. Voilà donc le petit résumé, très court quand même, parce que bon, la plupart des nouvelles vont sortir pendant les prochains jours et ce sera prêt pour la prochaine émission. Donc le Macworld Conference and Expo qui se tient du 14 au 18 janvier 2008. Voilà, après la prochaine pièce musicale, ça va être le fil informatique. On va parler entre autres d'un robot qui se déplace grâce au cerveau d'un singe et potentiellement le dernier clou dans le cercueil du HD-DVD. Tout ça plus tard, mais avant, voici une pièce de Helmotor. Il s'appelle Hippocampe, ça vient de leur super album éponyme. Helmotor qui était en spectacle mardi dernier à Trois-Rivières. Et les voici tout de suite avec Hippocampe au 89.1 FM dans vos oreilles. El Motor et Hippocampe, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou cette semaine. Et vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et justement, ben, c'est l'heure du fil technologique. Première partie, donc regardons les nouvelles qui n'ont pas rapport avec l'informatique ni les jeux vidéo, mais qui tombent sous le domaine de la technologie. Les chercheurs du Japon et des États-Unis ont réussi à faire marcher un robot grâce au cerveau d'un singe, rapporte l'agence France Presse. Les jambes du robot humanoïde étaient commandées à distance par le cerveau d'un singe qui marchait sur un tapis roulant. Les chercheurs ont indiqué que le robot situé au Japon était en mesure de recevoir les données des influx nerveux qui commandaient les jambes du singe localisé aux États-Unis. Par la suite, le robot a été capable de marcher de la même manière que le singe et en temps réel. Pour réaliser cette expérience, deux chimpanzés ont été entraînés par des spécialistes des États-Unis à marcher sur un tapis roulant à la manière des humains. Ensuite, ils ont procédé à l'enregistrement de plusieurs signaux issus de centaines de neurones qui permettaient aux primates de se mouvoir. Enfin, ces signaux ont été transférés pour pouvoir être interprétés par un robot. Cette expérience, qui est d'après les scientifiques une première mondiale, permettrait en particulier aux handicapés et aux paralysés de se déplacer plus normalement grâce notamment à des prothèses neuronales. Cette expérimentation a été rendue possible grâce à une entente entre l'Agence de la science et des technologies du Japon et l'Université Duke aux États-Unis. Rectification dans le dossier Blu-ray HD DVD. Des articles sur Internet la semaine dernière parlaient du studio Paramount qui quitterait la coalition HD DVD. Eh bien, apparemment, c'est pas vrai. La direction du studio hollywoodien vient de publier un communiqué de presse pour démentir la nouvelle de la semaine dernière. Mardi dernier, le Financial Times affirmait que le studio quittait la coalition de Toshiba, une information qui avait été confirmée aussi par plusieurs sources à Las Vegas. Mais il semble que le studio ne va pas rejoindre le camp Blu-ray de Sony. Alors, on pourrait dire, le carnet techno de Radio-Canada dit « Je serais tenté de dire pour le moment ». Alors, si on résume pour aujourd'hui, Paramount et Universal demeurent fidèles au camp HD-DVD de Toshiba et les Warner, MGM, Disney, 20th Century Fox et Sony Pictures sont tous du côté du Blu-ray de Sony. Blu-ray qui risque de gagner cette aventure, je crois bien, assez rapidement. Ensuite, si vous voulez voir l'article qui parle du Financial Times et du Daily Variety, allez voir le mplan.wordpress.com. Je l'ai laissé dans les liens. Parlant de HD-DVD, le fabricant de matériel électronique Toshiba a annoncé des baisses de prix de l'ordre de 40 à 50% sur ses lecteurs HD-DVD. Cette initiative vise à contrer la transition récente de plusieurs studios majeurs d'Hollywood vers le format Blu-ray de Sony pour la publication de films en haute définition, mouvement qui porte un dur coup à la viabilité à long terme de la technologie HD-DVD. Selon Toshiba America Consumer Products, ces lecteurs HD-DVD sont donc vendus à rabais depuis le 13 janvier dernier afin de stimuler l'adoption de ces appareils de nouvelle génération par le grand public. Les prix des lecteurs HD-DVD de Toshiba débuteront désormais à 150$ pour le modèle de base et le modèle haut de gamme se détaillera à 400$. Sous la nouvelle structure de prix, le prix du modèle HD A3 a été coupé de moitié, passant de 300 à 150$. Même chose pour le A30, dont le prix est passé de 400 à 200, alors que le modèle haut de gamme a vu son prix baisser de 500 à 300. La lutte opposant les deux formats de DVD haute définition avait semblé faire un vainqueur en Sony, plutôt ce mois-ci, lorsque le principal studio d'Hollywood, Warner Brothers, décida de supporter désormais exclusivement le format Blu-ray. Jusqu'à maintenant, la firme Toshiba s'est entendue, entre autres, avec les studios Universal Home Video, Paramount Pictures et DreamWorks Animation SKG pour la publication de films en HD-DVD. Du côté Blu-ray, les appuis sont cependant nombreux et de taille, cette technologie pouvant compter sur le soutien et l'apport de 20th Century Fox, Walt Disney et Lionsgate Entertainment. De plus, la console de jeux vidéo PlayStation 3, quand même un grand point, la console de Sony, permet le visionnement de films en format Blu-ray, tandis que la Xbox 360, elle, intègre plutôt le format HD-DVD dans un lecteur à part qu'il faut acheter. Microsoft a par contre laissé savoir au salon Consumer Electronics Show à Las Vegas qu'il envisagerait l'intégration de la technologie Blu-ray à sa machine de jeu si tel était le souhait des consommateurs. Voilà, on fera la deuxième partie du fil technologique. Tantôt, on va parler entre autres de jeunes qui se paient une bonne blague à Las Vegas et vous allez voir, ça a créé plusieurs controverses. Il y a aussi la voiture à air qui est arrivée. On parle aussi des gadgets les plus utiles et les plus inutiles du Consumer Electronics Show de Las Vegas. Tout ça dans la deuxième heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mais avant de continuer et de fermer cette première heure, on va s'avancer un peu dans la série en concert qu'on présente depuis la semaine dernière. Elle s'appelle Final Fantasy VII Voices of the Life Stream, que vous pouvez retrouver sur le ff7.ocremix.org. Là-dessus, vous pouvez télécharger les 45 pièces sur 4 disques. de cette collection qui a été faite par des gens comme vous et moi qui ont repris la musique de Final Fantasy VII. Et aujourd'hui, on écoute la pièce numéro 3 de Sapphire et SGX. Voici No Such Thing as the Promised Land Mako Reactor. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et restez là pour la deuxième heure au 89.fr. Same old crap, well have no fear. Ricky V. Valentine is back with his brand new triple CD box set singing ghetto classics for the aging B-boy, such as Grandmaster Flash and Melly Mel's The Message. It's like a jungle. Sometimes it makes me wonder how I keep on going under. Ooh. And N.W.A. straight out of Compton. Straight out of Compton. A crazy motherfucker named Ice Cube. From a gang called Niggas with Attitude. Also featuring Outkast, Sorry Miss Jackson. Sorry Miss Jackson. Never meant to make a daughter cry. I apologize the same time. Sorry Miss Jackson. And Almighty Jay-Z's Girls, Girls, Girls. Girls, girls, girls, girls. It's girls out the window. Yeah, what's your name on this paper? Cause I would love to date you, holler at you when I come up tall. To purchase your copy of Ricky V. Valentine's Ghetto Classics box set for only $29.95. Yes, $29.95. Phone now. 2-555-00-2214. Or for those who are online, Bonjour, c'est la deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va parler de technologie, hein, des choses vraiment intéressantes qui se passent en technologie. On en parle plus tard. Mais pour l'instant, on continue notre série en concert avec une pièce de Loisa, Materia Junkie, Under the Rotting Pizza, Dio Brest. Ça vient toujours de la compilation Final Fantasy VII Voices of the Livestream. Et comme je vous disais précédemment, c'est 45 pièces sur 4 disques. Chacun a un thème, d'accord? Donc Crisis Core, Dirge of Cerberus, Advent Children et Last Order. Combinés, ça représente 3h30 de musique. Et pour être plus musical, les chansons ne sont pas dans l'ordre du jeu Final Fantasy VII. Elles sont arrangées pour sonner bien. Vous pouvez télécharger les pièces individuellement ou l'album au complet avec la pochette et faire votre propre CD. C'est le ff7.ocremix.org. On écoute la quatrième pièce de Loisa. Voici Materia Junkie à la connexion. À CIFU 89.1 FM dans vos heures. Louisa avec Materia Junkie de la collection Final Fantasy VII Voices of the Livestream and Overclocked Remix Album. J'arrête pas de dire compilation là, en me trompant, c'est pas vraiment une compilation, c'est une collection de différentes pièces ramassées sur quatre différents CD. Encore, je rappelle l'adresse ff7.ocremix.org si ça vous dit d'aller télécharger cette très belle collection-là. Deuxième partie du fil technologique, on revient un petit peu sur le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Donc, le Consumer Electronics Show qui a pris fin à Las Vegas le 10 janvier a été le théâtre d'une blague orchestrée par une bande de jeunes. La blague en question est somme toute assez drôle, dit l'article de Canoë, mais elle va probablement avoir des conséquences pour le salon de l'an prochain. Donc, on explique en quelques mots. Il existe un gadget sur le marché qu'on assemble soi-même et dont le nom est TV Be Gone. On a déjà parlé de ça à la connexion plusieurs fois. Comme son nom l'indique, le petit machin électronique sert à éteindre un téléviseur, plusieurs téléviseurs en fait, des dizaines de marques et de modèles de télé. Alors nos jeunes en question hein, se sont amusés à se promener dans les différentes allées du CES avec leur petit machin en main et au beau milieu d'une présentation devant public, eh bien, l'image du téléviseur disparaissait, laissant ainsi des techniciens des grandes compagnies complètement paniqués, sans compter les conférenciers qui ont dû improviser toutes sortes de discours non prévus. Et pour que la farce soit encore plus drôle, ils ont filmé le tout et ils ont mis cette séquence vidéo à la disposition de tous sur leur site, qui est un site que j'aime beaucoup, un site de gadgets que j'utilise fréquemment, qui s'appelle gizmodo.com. Donc, ils ont mis ça sur leur site. Les membres de ce site disent... Qu'il pratique une certaine forme de journalisme. Il est arrivé dans le passé que certaines primeurs soient dévoilées par ces blogueurs et assez souvent leurs commentaires et analyses sur différents sujets sont justes, mais parfois directs ou un petit peu trop directs, dit l'article. Quoi qu'il en soit, ces blogueurs confessent leurs crimes sur leur site et tout en disant qu'ils ont éprouvé beaucoup de plaisir, qu'ils regrettent et qu'ils sont bien conscients que l'an prochain, ils ne seront pas nécessairement admis de la même façon au CES. En fait, ils ont été bannis. J'ai été voir sur le site de Gizmodo. Ils ont été bannis. Il faut ajouter que les dirigeants du salon vont peut-être poursuivre les responsables, sans compter le fait que les grands fabricants vont sûrement remédier à cet éventuel problème. Pour le reste, la blague est drôle et elle peut être vue sur le site de Gizmodo, passée par le site temporaire de l'émission. Étant donné que lechance.com ne fonctionne pas, j'ai mis les liens sur le mplante.wordpress.com, M comme Mathieu, mplante.wordpress comme mopresse.com. Voilà. Ensuite, toujours au CES, les gadgets les plus utiles. Eh bien, ça, c'est selon Canoë.com, le Consumer Electronics Show. Quel est le gadget qui a le plus aidé, oui, les journalistes là-bas dans leur travail? Eh bien, c'est leur cellulaire, évidemment. Selon Amy Tiemann, journaliste pour le site CNET.com, il aurait été pratiquement impossible de bien travailler sans un appareil qui la garde en contact avec le patron, les collègues, et qui lui permette de recevoir des appels, des messages textes et des courriels. D'ailleurs, dans l'une de ses dernières chroniques, elle souligne que lors de ce salon qui se déroulait au centre des congrès de Las Vegas, son appareil iPhone indiquait « no service », alors que son BlackBerry fonctionnait très bien. Pourtant, les deux étaient branchés sur le réseau de AT&T, comme quoi rien n'est tout à fait parfait. Elle conclut en disant qu'un autre gadget qui lui a été très utile est une espèce de petit sac de couchage destiné au cellulaire, à la caméra numérique, au lecteur MP3, au GPS ou n'importe quel petit gadget. Il s'agit d'un produit de la compagnie Case Logic, une entreprise spécialisée dans les sacs, valises et coffres de rangement. L'article dit « Je sais, ça fait pas très techno de parler de valises et de sacs de voyage, mais d'une part, vous devez protéger adéquatement vos objets électroniques et d'autre part, vous devez absolument vous rendre sur le site de la compagnie, ne serait-ce que par curiosité. » C'est vraiment incroyable de voir la gamme de leurs produits. Et l'article dit « Je vous mets au défi de ne pas trouver le sac de transport qui convient à votre gadget préféré, peu importe la couleur ou la forme. » Très joli petit gadget de Case Logic. Maintenant, les gadgets les plus inutiles du Consumer Electronics Show de Las Vegas. Le site Pocket Lint est spécialisé dans les gadgets et les inventions de toutes sortes. On peut facilement imaginer le plaisir qu'ont eu les responsables du site à l'occasion du CES. Parmi les objets inutiles qui ont fait l'objet de reportages, trois inventions ont été retenues par Canoë. L'une fait sourire, l'autre fait pleurer et la dernière ne fait rien du tout. À vous de les classer selon vos goûts. Le cadran volant, on commence par ça. C'est un cadran tout ce qu'il y a de plus normal, mais ce qu'il y a d'anormal, c'est que lorsqu'il sonne, l'hélice qui est installée dessus quitte sa base et vole dans la chambre avec un bruit d'enfer. Le bruit est à ce point terrible qu'il faudra obligatoirement vous lever et tenter de rattraper le rotor. Ce que les instructions ne disent pas, c'est que vous faites par le fait même vos exercices du matin en tentant de l'attraper. C'est vraiment super utile. Dit l'article. Je suis très d'accord. On parle toujours qu'il devrait faire des cadrans justement qui marchent ou quelque chose de genre. Un cadran qui vole, c'est encore mieux. C'est un lit du futur, le prochain. Un lit censé recréer un environnement reposant et intelligent. La température des matelas est ajustable. Le matelas est en mesure de détecter si vous ronflez. Et si vous ronflez, il s'ajuste automatiquement de quelques degrés afin de vous forcer à changer de position. Hein, il fallait y penser. Il est équipé d'un système de son puissant et d'un système de projection. Un ordinateur a été installé quelque part. L'Internet aussi. Le tout à un prix qui varie, écoutez bien, entre 20 et 50 000 $. Dépendant des options. Hein, c'est comme un char. On peut pimper mon char, comme dirait Musique Plus. Véritable aubaine, dit l'article. Et on termine par le fauteuil d'assaut. C'est un fauteuil roulant sur chenille, idéal pour les personnes infirmes qui veulent s'amuser et écraser les voitures sur leur passage. Sa construction est d'acier et d'aluminium. Il est proposé par, il est propulsé par quatre batteries et offre une puissance de 2 chevaux vapeur. Il est beaucoup trop lourd pour être transporté dans une valise de voiture et il est beaucoup trop large pour évoluer dans une maison. Mais en y passant bien, dit l'article, ce n'est pas important puisqu'on peut facilement arracher les cadres de porte. Je présume que les canons sont en option. C'est Rambo qui va être content pour sa retraite. Toujours au CES de Las Vegas il y a quelques semaines, en septembre dernier, Intel présentait à l'occasion de l'IDF un brouillon de ce que pourraient être les spécifications de la prochaine évolution de l'USB, le Universal Serial Bus estampillé 3.0. Alors que l'on attend la validation d'une première révision de cette interface dans le courant de l'année 2008, quelques représentants d'Intel sont venus vanter les mérites de l'USB 3.0 au CES et montrer au public quelques exemplaires des futurs connecteurs qui lui seront associés. Donc, pour se rappeler un peu, l'USB 3.0 est censé offrir à terme une bande passante de quelques 4.7 gigs par seconde. Imaginez, c'est un DVD par seconde. C'est fou! 10 fois supérieur aux 480 MB par seconde de l'USB 2.0. 480, c'est moins qu'un CD. Hein? Ainsi qu'une réduction de la consommation électrique dans la mesure où l'alimentation sera coupée lorsque l'appareil connecté ne sera pas utilisé. N'est-ce pas l'invention du siècle? Et là, il n'y a aucun sarcasme, c'est vraiment génial. Rétro-compatible avec les périphériques USB 1.1 et 2.0, l'USB 3.0 adopte toutefois un nouveau format de connecteur qui se rapproche quelque peu de ce qu'on retrouve avec le HDMI. Drôle le connecteur, allez voir la photo sur le mplant.wordpress.com. L'USB 3.0 peut utiliser la fibre optique, une possibilité en cours d'investigation. Les connecteurs USB 3.0 sont d'ailleurs de deux types. L'un est purement électrique, l'autre est électrique et optique. Le débit annoncé de 5 gigs par seconde ou presque, soit 625 MB. 5 GPS, soit 625 MB par seconde. D'accord? Attends une minute, j'essaie de comprendre. Gigabyte par seconde, soit. Je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Désolé de mon ignorance là-dessus. Tout ça pour dire que ça va être disponible sur les deux types de câbles. Les premières applications concrètes de l'USB 3.0 ne devraient pas voir le jour avant 2009, voire 2010. Entre-temps, le FireWire 3200 ou S3200 et ses 3,2 Gbps devraient avoir fait son apparition sur le marché. J'essaie de me renseigner. J'aimerais vraiment comprendre cette nouvelle-là parce que ça a l'air bizarre à la radio si moi-même, l'animateur, ne comprend pas la nouvelle. Mais bon, donc USB 3.0, ça a l'air vraiment rapide. Désolé. Ensuite, il a fallu un Français pour passer à une voiture qui roule à l'air, dit l'article encore une fois de canoë.com. Le Français en question est Guy Nègre, un ingénieur qui travaillait dans le monde de la Formule 1 dans les années 80. La voiture à air occupe toute sa vie depuis une quinzaine d'années. Il l'a développée en collaboration avec son fils qui est également ingénieur. Donc à la base, le véhicule est très léger. Il a été conçu à partir d'un châssis tubulaire, collé, non pas soudé, et sa carrosserie est en fibre de verre. Sous son plancher, on retrouve 3 grands réservoirs en fibre de carbone d'air comprimé. Le principe est assez simple, dit l'article. Plutôt que d'utiliser de l'essence pour créer une explosion afin de faire bouger les pistons, on utilise de l'air comprimé. Il n'y a donc aucune combustion. Ce qui sort du tuyau d'échappement est de l'air pur mais froid. Il peut donc s'en servir pour climatiser sa voiture. Hein? Et tout ça avec, évidemment, zéro pollution. Côté techno, c'est très avancé. Un ordinateur contrôle tout et le système électrique est constitué d'un seul fil. Les divers éléments de la voiture fonctionnent à partir d'une technologie sans fil. Le moteur est unique en son genre et le démarrage se fait avec une carte. Cette nouvelle technologie est protégée par une trentaine de brevets internationaux. Quant aux performances, elles sont assez incroyables. Le véhicule peut atteindre une vitesse de pointe de 110 km/h, respectable quand même. Son autonomie est de 200 à 300 km ou l'équivalent d'une dizaine d'heures en ville. Pour faire le plein, il s'agit d'avoir une station d'air comprimée où la durée de remplissage est de 3 minutes. Hein? Le véhicule possède aussi un mini compresseur électrique à bord qui refait la réserve d'air en un peu plus de 3 heures. Pour d'autres renseignements techniques sur le véhicule, vous pouvez vous rendre sur le site qui est le www.theaircar.com, theaircar.com, la compagnie qui a conçu ce véhicule révolutionnaire est MDI, Moteur Développement International, qui a récemment signé une entente avec Tata Motors, le premier constructeur automobile en Inde, là, ceux qui fabriquent la petite auto pas sécuritaire du tout, la Nano, je crois. La petite compagnie française va donc bénéficier des connaissances d'une grande multinationale pour éventuellement produire le véhicule en série. Différents modèles existent déjà. Ils ont pris la forme d'un véhicule taxi, d'une fourgonnette et d'une camionnette. Voilà. Issue de l'initiative One Laptop Per Child, OLPC, au sein de laquelle elle a un temps occupé le poste de directeur technique, Mary Lou Jepson vient de fonder une société qui s'appelle Pixel QI. Avec QI, j'imagine, avec laquelle elle compte proposer à l'industrie certaines des technologies développées pour le fameux portable à 100$. Le OLPC, ils sont célèbres pour leur portable à 100$, qui coûte en fait quelques 200$. Elle se fixe enfin comme objectif d'élaborer un ordinateur portable dont le prix final n'excéderait pas 75$. Hein, encore mieux. Mary Lou Jepson indique sur le site de Pixel QI être à l'origine de certaines des innovations introduites avec le portable XO. Bon, ça, c'est le PC à 100$, le célèbre PC. Donc, à commencer par sa dalle LCD, ou à cristaux liquides, dotée d'un traitement anti-reflet et d'un passage de la couleur au noir et blanc, autorisant la consultation en pleine lumière. Elle envisage maintenant de proposer cette technologie à tous les fabricants d'ordinateurs portables. De la même façon, elle aimerait proposer à la vente des dérivés du système d'alimentation mis au point pour l'OLPC qu'elle explique avoir conçu elle-même. Aujourd'hui, elle cherche à lever des fonds pour développer sa société. Enfin, afin que le lancement de Pixel QI bénéficie de la couverture la plus large possible dans les médias, elle prend le pari de concevoir un ordinateur complet qui pourrait être vendu pour moins de 75$, bien que l'initiative de l'OLPC n'ait pas réussi à respecter sa contrainte de 100$, la contrainte qu'elle s'était elle-même fixée. À Budapest, des scientifiques hongrois travaillent à un logiciel analysant les aboiements qui pourrait permettre de mieux interpréter les émotions des chiens. Salba Molnar et ses collègues de l'Université ELT de Budapest ont testé une application qui distingue les réactions émotives de 14 mudis des bergers hongrois dans 6 situations. Lorsque l'animal est seul, lorsqu'il voit un ballon, lorsqu'il se bat, lorsqu'il joue, et lorsqu'il rencontre un étranger et finalement lorsqu'il se promène. Voilà. Et je cite... Ces travaux pourraient aboutir à la commercialisation d'un appareil facilitant la communication entre le chien et l'homme. C'est ce qu'il a dit à Reuters. L'ordinateur a reconnu les réactions émotionnelles des chiens grâce à leurs aboiements et leurs glapissements dans 43% des cas. Quand les hommes les avaient correctement identifiés, dans seulement 40% des cas, différence de 3%, les chercheurs assurent que le logiciel peut être amélioré. Donc, pendant les années à suivre, on va peut-être avoir des suivis là-dessus. Ce serait très intéressant d'avoir un logiciel pour comprendre son chien. Et finalement, à Washington, une jeune entreprise de biotechnologie américaine propose un test génétique pour les hommes qui veulent savoir s'ils deviendront chauves. Les individus souhaitant savoir s'ils auront perdu leurs cheveux avant 40 ans peuvent commander ce test par Internet, renvoyer un échantillon de salive par la poste et recevoir le diagnostic génétique pour la somme de $150. L'alopécie androgénétique est héréditaire, mais regarder le crâne chauve de son père et de son grand-père n'est pas un bon baromètre scientifique, dit l'article, pour savoir si la perte précoce des cheveux est inéluctable. Et je cite encore... L'information fournie par RDX permet aux consommateurs de faire des choix en connaissance de cause quant au traitement. C'est ce qu'a dit le PDG de la société Andy Gorin dans un communiqué de presse. Chaque année, des hommes âgés de 20 à plus de 30 ans dépensent des millions de dollars en produits pharmaceutiques et autres traitements coûteux pour prévenir la calvitie, alors que certains d'entre eux n'auraient jamais été chauves de toute façon, ajoute-t-il. La firme assure qu'elle s'en tient à l'analyse génétique et n'offre aucun traitement ou produit miracle pour combattre la calvitie, donc tant mieux, parce que sinon j'aurais peut-être un petit peu douté de tout ça. Ils ne font que vous prédire si vous allez être chauve ou pas. C'est pas mal génial comme nouvelle. Moi qui ai quand même un petit stress là-dessus. Voilà qui fait le tour des nouvelles technologiques. Plus tard, on va parler de criminalité dans le bloc cybercrime. On va aussi parler de ce qui s'en vient sur vos écrans et autres moniteurs d'affichage de jeux vidéo. Mais pour l'instant, voici une pièce de Johnny Hollow qui s'appelle Superhero des palmarès anglophones de C'est Fou au 89.1 FM. In your ears. Dans vos oreilles. Someone come. Johnny Holloway, Superhero, c'est sur le palmarès anglophone de C'est fou, les palmarès, c'est le vendredi soir à 17h sur C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez la connexion et avant de passer à la pub, voici notre quiz musical de la semaine. Nommez le jeu duquel qui vient, je sais pas comment dire cette phrase-là à chaque fois. D'où est-ce que j'ai pris cette toune-là, qu'on pourrait dire? Ça vient d'un jeu sur la Sega Dreamcast, c'est le seul indice que je vous donne, autre que c'est très obscur comme jeu, mais très bon. La réponse au retour à la connexion à C'est fou. Juste avant la pause, je vous ai demandé de nommer le jeu qui joue derrière moi. Encore quelques petites secondes pour y penser. La pièce, c'est Funky Radio, ça vient de Jet Grind Radio, un jeu sur la Sega Dreamcast. Félicitations si vous l'avez eu, c'est très dur ça. Bonjour, c'est la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques secondes, le bloc cybercrime, on va parler de AT&T qui veut filtrer le poste à poste illégal sur Internet. Hey, oh, hey, hein, tu sais. Les cymbales par la fenêtre et le reste par la porte. Il doit l'avoir trompé. Ou elle en a tout simplement marre. Au premier coup d'œil, on l'aurait dit calmettant. Elle est sûrement aussi, mais pas dans ces moments où elle est plutôt. Ça doit être la tasse, mon amour pour toujours. Et elle marche comme si on lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. Et elle marche comme si on lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. We'll très bonne pièce de Jack G. Marinovitch. Leur album, c'est Jack au Rama et la pièce, c'était En dessous. Maintenant, voici le bloc Cybercrime. Les nouvelles criminelles, les nouvelles qui ont marqué le monde de tout ce qui est croche sur Internet en technologie. Cybercrime, l'entreprise AT&T a indiqué qu'elle souhaite limiter l'accès à la technologie poste à poste, l'échange de fichiers. Selon la compagnie américaine, c'est le meilleur moyen pour endiguer le piratage. La firme fondée en 83 compte filtrer l'accès aux logiciels poste à poste et à plusieurs sites fournissant du contenu illégal. Maître James Ciccone, l'avocat de AT&T, soutient que le fournisseur d'accès à Internet est en train de concevoir une technologie réseau qui permettrait de bloquer l'accès à des sites Internet. Maître Ciccone croit que les compagnies offrant une connexion au réseau informatique Internet devraient s'impliquer davantage contre le piratage. Il avoue que l'entreprise de télécommunications était incapable de trouver une solution pour stopper le piratage. C'est donc pour ça qu'AT&T travaille sur de nouvelles technologies de filtrage. Le projet est encore en développement et pour l'instant, la firme américaine est en discussion avec plusieurs autres firmes comme NBC Universal pour trouver la meilleure façon de contrer le piratage. Pour l'instant, aucun autre fournisseur d'accès Internet n'a indiqué s'il allait imiter l'initiative d'AT&T. En plus d'offrir un accès à Internet aux Américains, AT&T est le plus grand fournisseur de services téléphoniques et de services sans fil aux États-Unis. La Commission européenne a annoncé avoir ouvert 2 enquêtes sur le géant informatique américain Microsoft pour abus de position dominante concernant le logiciel Microsoft Office et le navigateur Internet Explorer. La première enquête doit déterminer si Microsoft s'est, oui ou non, livré à la rétention d'informations, à de la rétention d'informations concernant le logiciel Office. L'autre investigation a pour but de vérifier si le géant informatique a agi ou non illégalement en liant de façon systématique ses systèmes d'exploitation Windows au navigateur Internet Explorer. Microsoft a déjà eu maille à partir avec Bruxelles. En octobre dernier, Microsoft avait annoncé avoir retiré ses 2 dernières procédures d'appel des décisions de l'Union européenne prononcées à son encontre pour violation de la réglementation sur la concurrence. Le géant avait ainsi retiré l'appel déposé au sujet d'une amende de 280,5 millions d'euros que lui avait infligé la Commission européenne en juillet 2006 pour non-respect d'une décision antérieure sur le partage d'informations avec ses concurrents. Les données permettent aux autres fabricants de logiciels d'adapter leurs produits au système d'exploitation Microsoft Windows, qui équipe 95% des ordinateurs personnels. Le groupe avait également retiré l'appel d'une décision de la Commission lui ordonnant de fournir sous licence certains de ses secrets de fabrication sur une base d'exploitation libre ou open source. L'article vient de la presse canadienne. MySpace aurait signé une entente avec 45 États américains afin de protéger davantage ses utilisateurs de moins de 18 ans des prédateurs sexuels, selon l'Associated Press. Citant une source anonyme qui a participé à la signature de l'entente, MySpace aurait accepté de mettre en place bon nombre de nouvelles mesures afin de protéger plus adéquatement ces jeunes utilisateurs des prédateurs sexuels qui désirent entrer en contact avec eux. Le site de réseautage social qui appartient à News Corp se serait notamment engagé à participer à un groupe de travail pour déterminer comment mettre en place un meilleur système pour vérifier l'âge de ses utilisateurs. MySpace aurait également accepté que la sécurité de son site soit régulièrement vérifiée par un organisme de surveillance indépendant. Selon l'Associated Press, l'entente devait être officiellement annoncée dans la journée de lundi dernier par les procureurs généraux du New Jersey, de la Caroline du Nord, du Connecticut, de la Pennsylvanie, de l'Ohio et de New York. Précisons que MySpace fait face à de nombreuses critiques aux États-Unis concernant la sécurité des mineurs qui utilisent son site. En juillet dernier, MySpace avait d'ailleurs supprimé les profils actifs de 29 000 prédateurs sexuels connus des policiers. Et toujours au sujet de MySpace, une femme de 42 ans de l'Arkansas veut devenir votre amie. Eh bien, méfiez-vous parce que McAfee signale qu'il pourrait bien s'agir d'une tentative d'infection par un logiciel malveillant. La plupart des usagers du site de réseautage social qui ont reçu la demande ont consulté le profil de la femme, qu'ils ne connaissent évidemment pas. Au chargement de la page, une fausse fenêtre de mise à jour de Windows apparaît. Dès que l'usager clique dans la page, le téléchargement de fichiers .exe débute. À partir d'un site dont le nom contient Microsoft, mais c'est pas Microsoft.com, ce fichier est responsable de l'infection. Il télécharge à son tour bon nombre de programmes malveillants. Rares sont les usagers ayant la méfiance de ne pas télécharger le fichier, ce qui résulte en un nombre important d'infections. Bien que MySpace et Microsoft aient été contactés par McAfee, le profil est toujours disponible à l'heure actuelle. L'article date du samedi 12 janvier. Le premier logiciel malveillant qui cible le iPhone serait la création d'un gamin de 11 ans selon le webzine Silicon.fr. Le garçon aurait développé un cheval de Troie qui se fait passer pour un utilitaire nécessaire à la mise à jour du téléphone cellulaire d'Apple. Le jeune pirate a été démasqué par les administrateurs de Mod My iPhone, un site internet de téléchargement consacré aux téléphones cellulaires. En appelant les parents du garçon, les webmestres ont réussi à les convaincre de fermer la page web qu'il avait créée pour héberger son cheval de Troie. Selon Symantec et la compagnie d'antivirus qui fait Norton, le logiciel malveillant appelé iPhone Firmware 1.1.3 Prep n'est toutefois pas nuisible au bon fonctionnement de l'appareil. La firme de sécurité informatique soutient par contre qu'il est extrêmement difficile de le supprimer car le cheval de Troie écrase deux applications qui doivent être présentes pour pouvoir le désinstaller. Rappelons que selon plusieurs firmes de sécurité informatique, le iPhone risque d'être l'une des cibles privilégiées par les pirates en 2008, notamment à cause de sa grande popularité. Avant sa dernière mise à jour, le iPhone était d'ailleurs vulnérable à des logiciels malveillants qui auraient pu être intégrés avec des images, dans des images de format TIFF. Et finalement, communément appelé le ripping, l'extraction audio numérique est illégale au Royaume-Uni, ce qui pourrait changer si la proposition du ministre de la propriété intellectuelle, Lord Treisman, est adoptée. On parlait cet été de l'illégalité, selon la chef du contentieux de Sony, d'extraire des chansons des disques compacts pour les transférer dans un lecteur MP3. Et bien, au Royaume-Uni, cette pratique est officiellement interdite pour l'instant. Le propriétaire d'un iPod, par exemple, ne peut pas utiliser iTunes pour extraire les chansons de ses disques préférés et les transférer dans son lecteur portable. À l'ère de la numérisation, il s'agit pratiquement d'un non-sens, dit l'article de branchez-vous.com. C'est dans le but de moderniser la législation britannique que Lord Treisman a déposé son projet de loi visant à légaliser, entre autres, l'extraction numérique à des fins personnelles. Il a d'ailleurs sollicité l'opinion du public et des intervenants de l'industrie afin de présenter le projet de loi le plus pertinent possible. Évidemment, c'est la notion d'utilisation à des fins personnelles qui pose problème. Idéal en théorie, celle-ci s'avère un véritable casse-tête à mettre en pratique. En effet, l'article demande comment définit-on précisément l'utilisation personnelle. Doit-on limiter le nombre de copies pouvant être réalisées à partir d'une extraction? La loi s'appliquera-t-elle de façon rétroactive ou touchera-t-elle seulement les œuvres lancées après l'entrée en vigueur de la loi? C'est ce qu'on se demande. Donc, c'est quelques questions auxquelles Lord Treisman devra répondre et sa réponse devra satisfaire tant les consommateurs que les producteurs de musique. La source, c'est Ars Technica via branchez-vous.com. Voilà qui fait le tour du bloc Cybercrime, les nouvelles qui ont marqué le monde de tout ce qui est crush sur Internet et ailleurs. Dans quelques secondes, on va parler des jeux qui s'en viennent bientôt sur vos écrans, moniteurs et autres appareils qui servent à afficher des images de jeux vidéo. C'est tellement accrocheur comme nom de chronique. Et en passant, tiens, si vous voulez aller voir les liens de tous les articles d'aujourd'hui, visitez rapidement le mplante.wordpress.com parce que le site de la connexion se situe là temporairement. Voici votre bloc bientôt sur vos écrans et moniteurs. On parle des jeux qui sortent bientôt, qui vont visiter vos écrans et affichages, comme ça. On commence, tiens, pourquoi pas, par les nouveautés en magasin cette semaine, le 15 janvier. Voilà, je cherchais ma page et maintenant je l'ai. La semaine est vraiment petite en sortie d'ERGamers.com, tant en qualité qu'en qualité. Peut-être la version Wii de Samurai Warriors qui pourrait lever l'enthousiasme, selon eux. Vraiment pas beaucoup de sorties. Donc, sur PC et PSP, on retrouve Flat Out Head On. Sur la DS, on retrouve Corvette Evolution GT de Jack of All Games et Miami Nights Singles in the City de Ubisoft. Sur PC, Rail Simulator de Electronic Arts et Carrier Strike Force. Sur la Nintendo Wii, Nitro Bike de Ubisoft, Luxor Pharaoh's Challenge de Mumbo Jumbo, j'imagine, qui manque le haut, Samurai Warriors Katana de Koei, Furu Furu Park de Majesco et CSI Crime Scene Investigation Hard Evidence, basé sur la série Les Experts, c'est de Ubisoft. Ensuite, malheureusement, ce que plusieurs redoutaient s'est concrétisé, on en parlait un petit peu plus tôt à l'émission, mais Nintendo a émis un court communiqué afin d'annoncer que le jeu de combat Super Smash Bros. Brawl a été une fois de plus retardé et qu'il ne sera pas lancé le 10 février prochain comme prévu. La firme, citant un temps de développement plus long que prévu, offrira le jeu aux joueurs nord-américains le 9 mars prochain, à condition bien sûr que ce dernier ne souffre pas d'un autre délai de dernière minute. Electronic Arts sera le champ libre sur le marché des jeux de basketball collégien, du moins cette année. En effet, 2K Sports a émis un court communiqué pour annoncer qu'il n'y aura pas d'opus de la franchise College Hoops cette année, et peut-être même pour les années à venir. 2K Sports a décidé de ne pas poursuivre les négociations avec la CLC pour la licence de sa franchise College Hoops, qui se serait poursuivie en novembre 2008. Nous nous engageons à livrer aux fans des jeux de sport de haute qualité, mais étant donné notre approche disciplinée envers nos affaires, nous ne croyons pas que les présentes discussions se concluraient en un résultat acceptable, selon eux. Évidemment, des rumeurs ont fait surface à l'effet que EA ne serait pas étrangère face à cette fin de partenariat entre 2K Sports et la CLC, bien qu'il ne s'agisse que de rumeurs pour le moment. L'an dernier, Capcom avait annoncé qu'elle allait ramener la franchise Bionic Commando via un nouveau volet Xbox 360 et PlayStation 3. Cette semaine, grâce au magazine Famitsu, on apprend que la compagnie prépare Bionic Commando Mastered The Revival Plan, qui est un remake 3D du Bionic Commando d'origine. Bien qu'il sera en 3D, tout indique que le remake restera un jeu d'action de type side-scrolling. Un mode multijoueur simultané sera ajouté, tout comme de nouvelles zones. Ce remake de Bionic Commando est prévu pour Xbox Live Arcade autant que le PlayStation Store. Au Japon, il va être lancé ce printemps. IGN.com rapporte avoir eu la confirmation auprès d'une source proche de 3D Realms que Duke Nukem 3D débarquera bel et bien sur Xbox Live Arcade d'ici quelques temps. Mais mieux encore, cette adaptation comprendrait un mode co-op en ligne jusqu'à 4 personnes et du deathmatch à 8 personnes. On croisera en tout cas les doigts en attendant une éventuelle officialisation de la chose. Ça, c'est via GameCult.com. Même chose pour le prochain article. Bien conscient que la fiabilité est le talon d'Achille de la Xbox 360, Bill Gates assure que Microsoft a maintenant pour but de faire de sa console la machine la plus fiable du marché. Les gens, les gens adorent vraiment la Xbox pour son contenu, mais nous devons nous assurer que le hardware ne vienne jamais se mettre en travers de cela. Le hardware, c'est le matériel. Donc, il explique, c'est ce qu'explique le milliardaire dans une entrevue réalisée par la BBC, tout en rappelant que la firme avait pris soin de s'excuser auprès des consommateurs lésés. Des propos pour le moins rassurants, même si la démarche pourra aussi sembler tardive, dit l'article. Microsoft pourrait bien s'offrir Logitech pour un montant de 8 milliards de dollars, soit 5,4 milliards d'euros, si on en croit les spéculations rapportées par Reuters. Cet éventuel rachat de la société suisse au capital boursier de 7 milliards de francs suisses ferait du géant américain le premier constructeur mondial de souris et d'autres périphériques informatiques, mais serait également sa plus importante acquisition jamais réalisée. Aucun commentaire sur la fiabilité de cette rumeur pour l'instant, en tout cas en date d'aujourd'hui, jeudi, on parle du 17 janvier. S'il y a des nouvelles, on vous en parlera la semaine prochaine. Mais l'actionnaire majoritaire et cofondateur de l'entreprise suisse a déclaré n'avoir aucune intention de vendre, même s'il ne pourrait pas empêcher la vente de Logitech au final. L'édition 2008 du Tokyo Game Show, le salon japonais du jeu vidéo, se tiendra cette année du 9 au 12 octobre, toujours dans les allées de Macquarie Mess, le parc d'exposition en périphérie de Tokyo. Comme le remarqueront les observateurs qui sont attentifs, cette édition se déroulera de nouveau sur 4 jours. Les deux premiers seront réservés aux professionnels et à la presse, une initiative bienvenue initiée l'année dernière. On notera aussi que les dates du salon, généralement organisées en fin septembre, ont été décalées, peut-être pour tenir compte du nouveau calendrier international entre l'E3 estival et la Games Convention de Leipzig, fin août en Allemagne. Rappelons que le Tokyo Game Show 2007 avait accueilli 193 000 visiteurs en l'espace de 4 jours, pour un total de 217 exposants venus de 19 pays différents. On va avoir la chance d'entendre parler de plein de nouveaux jeux à ce salon. Et finalement, la rumeur d'un portage PS2 de Silent Hill Origins court depuis quelques semaines et se fait désormais très insistante avec l'apparition du titre sur les sites marchands Amazon et Gamefly. Les deux enseignes affichent en effet une jaquette et une date de sortie pour ce volet déjà sorti l'année dernière sur PlayStation Portable et qui pourrait donc arriver en mars sur les PS2 américaines. Il ne reste plus qu'une confirmation officielle de la part de Konami et nous serons fixés, dit l'article. Voilà qui fait le tour pour ce qui se passe en magasin très bientôt. Je regarde le temps qui passe très rapidement, comme toujours, et j'ai envie d'aller entendre la pièce de Artist of the Year qui est présentement sur le palmarès anglophone. On va l'entendre Fun Factor et on revient avec le tour du net à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo au 89.1 FM dans vos oreilles. We'll be right back. Artist of the Year avec la pièce Fun Factor de l'album Wreck la discothèque. C'est excellent. C'est sur les palmarès anglophones de C'est fou. Les palmarès, les vendredis soirs à 17h. Vous écoutez La Connexion, émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et maintenant, c'est l'heure de faire un minuscule tour du net. On va vraiment faire ça vite cette semaine, un petit peu comme à chaque semaine. Pour la Saint-Valentin qui s'en vient, pourquoi ne pas s'offrir des Mii? Tu sais, sur la Nintendo Wii, là, vous pouvez faire vos propres personnages qui vous ressemblent. Et bien, ils les vendent en forme de... ben, en chocolat noir, en chocolat au lait, en chocolat blanc. Allez voir l'article sur le mplante.wordpress.com. Même chose pour tous les liens que je mentionne à l'émission d'aujourd'hui. Le jeu No More Heroes va avoir une bande dessinée comme livre d'instruction. Allez voir quelques images là-dessus, c'est vraiment mignon. Ensuite, Lasagna 4. Qui est en fait des recréations, si on peut dire, de bande dessinée de Garfield, mais avec un vrai chat. C'est vraiment, vraiment génial. Allez voir ça, c'est en point move. Voilà, c'est des films QuickTime. C'est super bien. Lasagna4.com. Ensuite, via dig.com, si tu vas sur Google Maps et que tu tapes « here » et « there »,« from here to there », d'ici à là, eh bien, ils trouvent, en fait, ils trouvent Erré en France et Terré en France aussi. Et vous allez de Here à There sur Google, c'est génial. People in Order, ça c'est génial. C'est Linka Clayton et James Price qui ont pris des personnes qui leur ont fait faire avec un coup de tambour de 1 à 100 ans. Ils ont pris une personne de l'âge 1 an, 2 ans, 3 ans jusqu'à 100 ans. C'est super mignon à voir. Vraiment, ça vaut la peine d'être vu. Tiens, l'article de Gizmodo.com avec le vidéo de ce qu'ils ont fait pour les télés. On en parlait un petit peu plus tôt à l'émission. C'est vraiment beau aller voir ça, Gizmodo, qui ont été bannis d'ailleurs. La Zero Punctuation, qui à chaque quelques semaines sort une critique de jeux vidéo, mais faite avec un gars très très drôle. Ils ont fait Crysis, c'est sur le site. Hillary Clinton va jouer une prostituée dans GTA 4. Hillary Clinton qui est contre les jeux vidéo violents. 11 photos intéressantes qui ont l'air photoshoppées, mais qui ne le sont pas. 10 personnes qui ressemblent à des personnages de jeux vidéo que j'ai postés. La nouvelle publicité du Mac pour la Time Machine. Un gars qui s'est fait rapper par Microsoft 10 ans plus tard par le service aux consommateurs. La personne au service avait marqué la mauvaise date, marqué à l'envers. Le keynote de Steve Jobs à Macworld. 90 minutes de keynote, de discours sur les nouveaux produits d'Apple, résumé en 60 secondes. Super beau. Beaucoup, beaucoup de photos du MacBook Air. Un autre gars qui a quitté GameSpot après l'autre gars qui avait quitté GameSpot il y a quelques mois là, à cause d'une critique de Kane & Lynch. Et puis dans les gadgets, des disques durs, il y a aussi un nouveau système de garde-robe, un système pour flusher votre toilette automatiquement et l'Optimus Maximus, le clavier avec les petits écrans. Là. Il y a enfin des photos. On peut enfin le voir. C'est plus du vaporware. Il va vraiment sortir. Voilà. Hey, ça, c'était vraiment la meilleure chronique autour du net que j'ai fait. Ça pourrait pas être plus vite que ça. Ça a résumé 20 affaires, en tout cas. Donc, c'est la fin de la connexion pour cette semaine. Merci d'avoir été là. On doit se dépêcher, on se quitte. Je vous retrouve au poste d'écoute et au Palmarès C'est fou. Ce qui nous suit le jeudi, c'est dans la porte à gauche. Bonne journée, bonne chance, bye! Dash.com.